que du bruit de tes hauts exploits, l'univers toujours dentiste. Que du bruit de tes hauts exploits, l'univers toujours dentiste. Et au son vainqueur de ta voix, désormais la terre obéisse, l'enfer respecte les lois. L'univers toujours retentisse, et au son vainqueur de ta voix, désormais la terre obéisse. L'enfer en respecte les lois, l'enfer en respecte les lois. Elle a su réparer l'outil que t'avais fait l'injuste sort. Elle a su réparer l'outrage que t'avais fait l'injuste sort. Et la farce de la mort te rend la beauté qui t'engage, te rend la beauté qui t'engage. Et la vache sale te rend la beauté qui t'engage, te rend la beauté qui t'engage. Que du bruit de tes hauts exploits, l'univers toujours retentisse. Que du bruit de tes hauts exploits, l'univers toujours dentisse. Et au son vainqueur de ta voix, désormais la terre obéisse. L'enfer en respecte les lois, l'enfer en respecte les lois. Que du bruit de tes hauts exploits, l'univers toujours retentisse, et au son vainqueur de ta voix, désormais la terre obéisse. L'enfer en respecte les lois, l'enfer en respecte les lois.